ça saurait. Eh, ok. Ça saurait si mon entrée n'était pas fracassante. Bizarre comme voir un gamos s'équiper sans légende. C'est pas une légende, viscère ce qu'on demande. Des scuds faut en vendre, mais surtout les défendre. Ça saurait si l'État nous mettait pas des grosses douilles. Que les condés provoquaient pas pendant les heures de patrouille. Ça saurait si les timbres arrêtaient de racoler. Que les balances à vestère et arrêtaient de déballer. Ça saurait si dans le ghetto tu faisais de l'héros de la cocaïne. T'étais le plus respecté, intarpé dans ton redskin. Ça saurait si les six rats nous guettaient pas de leur balcon. Ce qu'ils aimeraient, voter pour stopper l'immigration. Ça saurait si le maire s'investissait pour la jeunesse. Y'a pendant les élections qu'il ose mettre ses pieds dans la tête. Ça saurait, hein, pas vrai. Mon frère, toi-même, tu sais. Trop de choses à savoir, même si ça n'empêche pas les faits. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes voix. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes voix. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait. Ça saurait si l'argent ne faisait pas le bonheur. Espèce de baratineur, tu dis ça parce que t'es over. Donne-moi tes thunes, tu verras ce que je vais en faire. Je quitterai le bitume et je ferai croquer tous mes frères. Ça saurait si on était libre et égaux. Arrêtez de faire les faux, ça se voit la couleur de peau. Y'a une différence entre Mamadou et François. Déjà Mamadou et Renoir, et dans le CV ça ne passe pas. Ça saurait si François n'était pas en place. Il n'a jamais goûté la hasse car ses parents l'a pillé classe. Ça saurait si le pédophile s'attaquait plus aux petites filles. Ils seront jamais pardonnés, ils méritent que la guillotine. Ça saurait si le reportage n'était pas trafiqué. Zama dans les cités, y'a que de la racaille excitée. Ils font leurs critères, nous rabaissent plus par terre. On garde toujours la tête haute même si ça peut leur déplaire. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes doigts. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes doigts. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait. Ça saurait si tout allait bien, ouais. Ça saurait si on avait besoin de rien. Trop rancunier, t'inquiète, on n'oublie rien. Jusqu'à la mort, Inch'Allah, on lâchera rien. Ça saurait même si tu l'ajoutes discret. Un mec parle et l'info tourne en vite fait. Ça saurait, tout se sait. T'as beau checker, mais sache qu'Allah seul te voit. Ça saurait, si tu pouvais tester. Même si tu insistais, je pourrais toujours contester. Bam, bam. J'suis dans le peu rat, si t'es dedans, tu me verras. Passer devant toi en faisant un sourire et un doigt. Ça saurait si tu traînais dans la cité. T'aimes bien la rarapée mais jamais y passer. Sikroma, arrêtez son carnage. C'est comme si le feu arrêtait de pratiquer son cricage. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes doigts. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait. Ça saurait si je m'arrêtais, acharné rien que ça. Des gros textes envoyés qui en sortent de tes doigts. Ça saurait si tout allait et que personne se plaignait. Ça saurait si cette vie jamais elle ne s'éteignait.